il n'ira pas recouper loin. Oh, la nuit viendra bientôt, et moi là-bas, dans le lointain. Oh, la neige dit qu'il y a un jarreau. Elle te fera en vos manteaux. Oh, tu pourras dormir. Elle te fera en vos manteaux. Où tu pourras dormir, dormir, dormir. Dans son délire, il lui revient la fille qu'il aimait. Il s'en alla, main dans la main. Il la revoit quand elle arrivait. Elle de fer en vos manteaux. Où tu pourras dormir. Elle te fera en vos manteaux. Où tu pourras dormir, dormir, dormir. Voilà son dos, à quoi il pense. Il va mourir bientôt, elle n'en jamais été si blanche. La neige dit qu'il y a un jarreau. Elle te fera en vos manteaux. Où tu pourras dormir. Elle te fera en vos manteaux. Où tu pourras dormir, dormir, dormir, dormir, bientôt.